Dans votre cyber revue de presse, L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginin et je serai avec vous pour la prochaine heure. Et vous êtes à l'écoute des ondes de Choc FM, la radio alternative à Montréal et dans le monde. Alors, mes amis, cette semaine, nous allons commencer avec les nouvelles de l'économie. Nous allons essayer de faire un autre survol, un autre coup de brosse sur le tableau pour essayer de vous apporter une vue d'ensemble sur ce qui se passe en ce moment. Et puis, des articles intéressants, il y en a. Donc, je vais essayer de porter votre regard sur les pièces d'information les plus importantes de la semaine concernant l'économie. Et après la pause musicale, nous allons aborder les nouvelles internationales. Donc, on va survoler aussi la scène mondiale dans l'actualité avec la chronique des nouvelles internationales. Et elle se nomme ainsi. Pourquoi? Parce que tous les liens vers les sources d'information dont je discute ici se retrouvent sur le blog Les Nouvelles Internationales, qui est en lien sur la page de L'Autre Monde. Alors, allez visiter et retrouver les articles au complet, puis les lire à votre propre rythme. Alors, voilà, donc, nous allons aborder immédiatement les nouvelles de l'économie. Vous savez que nous avons eu droit au sommet du G20. Et puis, chers amis, évidemment que là, ça a brassé pas mal, parce que là, il se passe deux choses en Europe. Alors, il y avait ce fameux sommet du G20. Et puis, il y avait aussi, en début de semaine, le sommet de l'OTAN. Alors, l'OTAN qui s'était réuni, et puis on essaye d'en venir avec des nouvelles mesures et blablabla. Donc, je vais y revenir. Donc, voilà, en premier, quoi, c'est passé, cette semaine passée, ce fameux sommet du G20. Et puis, là, vous savez que le système bancaire américain est probablement mort au mois de septembre 2008. J'en ai parlé un peu la semaine passée aussi. On a eu une attaque extérieur, donc vraiment un coup de terrorisme économique. On a essayé de jeter à terre l'économie américaine en une seule journée. En moins de 2-3 heures, on a viré plus de 550 milliards de dollars de l'économie. On l'a fait disparaître et puis on a été obligé de fermer les marchés boursiers pour essayer d'arrêter l'hémorragie. Depuis, avec les plans de sauvetage de Bush et puis d'Obama, on s'est monté une facture totale d'environ 10 trilliards de dollars, donc on parle de 10 000 milliards de dollars, et on essaye de prétendre qu'on va sauver l'économie de cette façon-là, alors qu'on évite consciemment de vous parler du cœur du problème, qui est en fait la bulle des produits dérivés, qui, elle, se monte à 700 000 milliards de dollars, à 1 500 000 milliards de dollars, et puis elle est en train d'éclater en ce moment, et puis c'est vraiment ce qui est en train aussi de prendre forme en ce moment. Donc, pour les gens qui pensent que le problème de l'économie est en train de se résorber, eh bien, attachez votre ceinture, parce que là, le vent va commencer à souffler très fort. Et puis, ce n'est pas avec des petits plans de sauvetage là, de 1 trilliard de dollars ou, si vous préférez, 1 000 milliards de dollars qu'on va arriver à colmater la brèche. Non, mes amis, c'est pas ça qui va arrêter, si vous voulez, l'avalanche qui s'en vient en ce moment. Alors, vous savez que les marchés boursiers internationaux valent environ 50 à 100 trilliards de dollars. Et puis, comme je disais, la bulle des produits dérivés, elle, se chiffrera au moins 700 trilliards à 1,5 quadrilliards. Donc, ça, c'est des chiffres en anglais, là. J'essaie de les traduire en français. C'est des chiffres absolument ridicules et qui sont beaucoup plus élevés que, si vous voulez, l'économie mondiale au complet, là. Donc, voilà comment qu'on va voir le futur très bientôt. Et puis là, vous avez ces gens-là qui se sont rencontrés, cette gang de clowns-là, et ça a été de quoi d'assez particulier cette semaine parce que vous savez que, comme j'ai publié un article sur les nouvelles internationales et sur les 7 du Québec, j'ai appelé l'article « Le nouvel ordre mondial s'affiche publiquement ». Pourquoi? Parce que ça a été effarant le nombre d'articles des grands médias. Donc, on parle de à peu près tous les grands médias, là, de CNN à AFP, de Financial Times, vous avez Isracast, Asia Times, Time Magazine, vous avez aussi le Times, le Newsweek, le Haaretz en Israël. Donc, j'en passe et j'en passe. Vous avez eu la tête de la Banque mondiale et celle du FMI. Donc, on s'est exprimé d'un bord puis de l'autre à dire que là, on avait besoin d'un nouvel ordre mondial. Et ça, c'était écrit en noir sur blanc dans tous les grands titres de tous les journaux que je viens de nommer précédemment. Et vous avez des gens comme Gorbatchev, le baron David de Rothschild. Vous avez des gens comme Henry Kissinger. Merkel, vous avez Merkel, ça c'est de l'Allemagne, vous avez Brown, Gordon Brown de l'Angleterre, Sarkozy, tous ces gens-là ont déclaré carrément qu'on avait besoin d'un nouvel ordre mondial, qu'on avait besoin de nouvelles règles pour l'économie globale, qu'il fallait passer à ce nouvel ordre mondial-là. Et puis, bien souvent, ce qui arrive, c'est que ça sonne comme étant des théories de conspiration. Écoutez, on ne parle pas de théorie de conspiration du tout quand on a des dizaines et des dizaines d'articles dans les grands journaux, c'est qu'on réclame le nouvel ordre mondial. Il faut savoir qu'est-ce que ça signifie. Alors, qu'est-ce que ça signifie effectivement? Ben, chers amis, le nouvel ordre mondial, ça veut dire la globalisation, quoi. C'est un synonyme de l'instauration d'une gouvernance mondiale, d'une gouvernance globale. Et on a engendré cette crise économique-là. Volontairement, on savait qu'évidemment qu'en déréglementant les marchés bancaires, les marchés financiers, en permettant à ces gens-là de fusionner ensemble et de créer de l'argent de papier qui n'existait même pas, je veux dire, quand on parle de la bulle des dérivatifs, c'est exactement ce que c'est. C'est qu'on a créé du papier bancaire qui était supposément appuyé sur des valeurs réelles, mais à un moment donné, a été tellement enflé qu'on s'est retrouvé avec une bulle des produits dérivés qui valait Ben, écoutez, là, plusieurs fois, l'économie réelle au complet mondiale. Donc, chers amis, en faisant crasher ce système-là, ce qu'on fait, c'est qu'on plonge les gens dans le chaos, dans la peur, dans l'insécurité. Puis là, on va vous dire qu'on a besoin d'un nouvel ordre mondial ou si vous voulez, donner une nouvelle règle globale. Donc, on va essayer d'instaurer une banque mondiale, un système, une institution qui va être mondiale, qui va être supranationale, c'est-à-dire qui va passer outre la souveraineté des pays du monde. Et puis, ce qu'on va faire, évidemment, c'est d'instaurer cette grille économique-là qui va être contrôlée par qui? Bien, évidemment, ça, c'est la question, parce que ces gens-là, on réclame plus de globalisation, qui est en réalité ce qui a amené le crash économique actuel. Et on en veut plus de cette solution-là qui a amené tous les problèmes qu'on connaît en ce moment. Et puis, évidemment, que le but de ça est d'amener ce gouvernement mondial-là qui va être constitué de grands blocs régionaux interdépendants en système organique. Ça, c'est vraiment le mot de ces gens-là qui utilisent un système organique qui a pour but de détruire la souveraineté des États du monde en les rendant tous dépendants les uns des autres, à l'opposé d'indépendants. Alors, pas d'indépendance, c'est égal à pas de résistance. Dépendance signifie, en d'autres mots, plus de contrôle. Ces gens-là, ces politiciens-là, les financiers, les banquiers, ces grands philosophes, gardiens du bien commun et sauveurs de l'humanité, en concert avec les médias, vous réclame un nouvel ordre mondial, c'est-à-dire davantage de cette même globalisation qui a plongé le monde dans la dépression et le chaos à venir. Et puis, c'est exactement ce dont les chefs des pays membres du G20, c'est de ça qu'on a discuté, OK? Donc, à partir du 2 avril à Londres. Et puis, vous savez qu'on se prépare à amener une nouvelle monnaie mondiale, une banque mondiale, ainsi que des nouvelles institutions financières supranationales qui vont avoir un pouvoir transcendant la souveraineté des nations de la planète. Et puis, qui se propose d'être à la tête de tout cela? Eh bien, c'est les mêmes artisans de cette même débâcle économique qu'on parle, qu'on a en ce moment, et qui n'ont absolument pas manqué l'occasion, pour ne pas dire simplement prévu, de profiter énormément de cette crise. On est en train de vendre ce nouveau concept de nouvel ordre mondial-là, donc de gouvernance mondiale pour sauver la planète. On va faire en sorte que les gens soient tellement dans la peur et dans l'insécurité et dans le désespoir qu'ils vont réclamer eux-mêmes ce nouvel ordre-là, donc cette gouvernance mondiale-là, entre les mains de ces mêmes personnes-là qui l'ont créé en premier lieu. Donc, c'est le même principe hégélien là, de problème, réaction, solution. C'est typique et vieux comme le monde. On a créé un problème qui causera alors une réaction. Ensuite de quoi, on apporte une solution qui était déjà préparée d'avance, qui satisfait nos objectifs et notre agenda. Alors, le clou du spectacle, c'est qu'il y aurait des tonnes d'argent à faire à chaque étape du processus. Et puis, le but ultime est la consolidation et la concentration du pouvoir. Et allez lire cet article-là sur les salles du Québec, parce que là, vous avez probablement là, 15-20 liens vers les articles dont je parlais. Vous avez tous les liens là, des grands médias. Et puis, allez voir que ça commence à être pas mal difficile d'argumenter que le nouvel ordre mondial est l'affaire de conspirationnistes, alors qu'autant de chefs d'État, d'importants personnages et de médias l'ont si ouvert et publiquement annoncé. En fait, l'appellation contrôlée de nouvel ordre mondial est tellement à la mode que le futur complexe destiné à remplacer les tours jumelles du défunt World Trade Center à New York portera le nom de One World Trade Center. Imaginez, c'est même pas des jokes que je vous dis, que je vous fais là. C'est carrément le nom qu'on va donner aux nouvelles tours jumelles qui se sont écroulées lors du 9-1. Alors, le One World Trade Center, hein? Donc, ça vous donne un peu une idée de comment qu'on vous rit en pleine face, et puis après ça, on rit des conspirationnistes, et puis on s'aperçoit que ces gens-là avaient raison. Pas les conspirationnistes, mais en fait, les gens qui font partie du mouvement pour la vérité sur le 9-1. Et puis d'ailleurs, maintenant qu'on parle de ça, eh bien, très grosse nouvelle cette semaine, attachez vos bretelles. On a un papier, un rapport, en fait, une recherche qui a été faite et qui a été publié cette semaine, eh oui, qui a été publié cette semaine dans une revue très importante. Et vous savez qu'est-ce qui arrive, chers amis, c'est que là, on se retrouve avec des études qui sont confirmées par des pairs. Alors, on a fait vérifier ça par d'autres scientifiques. On a trouvé du thermite, OK? Donc, on appelle ça de la super thermite en anglais. Et puis, ça se trouve être des produits qu'on utilise quand on essaye d'amener un bâtiment à terre, quand on essaye de le démolir de façon contrôlée. Alors, ça fait longtemps que on riait de ces gens-là du mouvement pour la vérité pour le 911, disant que ça ne pouvait pas être une job de démolition contrôlée. Alors qu'on est rendu maintenant, et je fais partie de ça, d'une organisation, d'un groupe qui s'appelle Architectes et ingénieurs pour la vérité sur 911, on est rendu 624, OK, des architectes et des professionnels, des ingénieurs, qui affirment qu'il y a impossibilité que ces trois tours-là, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a aussi le World Trade Center 7 de 47 étages qui s'est écroulé cette journée-là sans être attaqué, sans être frappé par un avion. Et les trois bâtiments se sont écroulés à la vitesse de la chute libre dans le chemin de la plus haute résistance en créant, en générant un nuage de poussière tellement fine, OK? Donc, on parle de l'ordre de microns et on parle de béton d'environ 75 à 80 000 tonnes de béton qui a été pulvérisé. Alors, si le feu fait pulvériser du béton, eh bien, je vous mets au défi de me le prouver, de me le montrer. Alors, on s'est retrouvé avec non seulement ça, mais dans cette poussière-là, on a retrouvé des petits morceaux de thermite, alors qui est c'est un produit incendiaire à très haute température qu'on utilise pour couper les colonnes d'acier quand on fait écrouler un bâtiment. Alors, évidemment, on met ce genre de produit-là autour de ces colonnes métalliques-là, ces colonnes d'acier. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les allume de façon synchronisée et simultanée. Et ce qui arrive, c'est que ça vient scier les colonnes et puis à ce moment-là, le bâtiment, ben, peut s'écrouler sur lui-même. Donc, vous comprenez que c'est la seule façon qu'on peut arriver à faire écrouler ces tours-là d'une façon symétrique et dans le chemin de la plus haute résistance, étant évidemment sapant la structure même du bâtiment. Et avec différentes techniques d'analyse, alors allez voir l'article, vous avez plusieurs types d'analyses là, de très haut calibre et qui a été vérifié par des pairs. On a retrouvé des traces indubitables, donc on a fait la preuve absolue. Et puis quand je dis preuve absolue, allez lire l'article, je veux dire, c'est de quoi là, qui est absolument sans doute là. On a trouvé des traces de termites, donc des produits qui sont utilisés pour des jobs de démolition contrôlée. Et ça vient de prouver que la commission sur le 911 était une fraude, un lavage public de mensonges. Et puis la même affaire pour le NIST, qui est la fameuse agence aux États-Unis qui a supposément fait les analyses de comment que ces bâtiments ont pu s'écrouler. Puis on n'a évidemment jamais proposé, même analysé la possibilité que ça aurait pu être une job de démolition contrôlée, alors que vous avez maintenant aussi un groupe pour les pompiers pour la vérité sur 911 qui, évidemment, est à l'intérieur des tours. Et les policiers aussi. Et on a entendu des bombes exploser. C'est évident, on le voit même dans les vidéos. Alors, chers amis, nouvelle absolument puissante cette semaine qui vient de tomber. Alors, allez consulter ça. Ensuite, on va continuer dans l'économie. Donc, écoutez, là, ça a bardé pas mal au G20, des nouvelles assez importantes. Là, on parle de l'OCDE qui a annoncé que les échanges globaux ont descendu de 13% cette année. Donc, vous savez que les échanges internationaux sont en chute libre. Ça, c'est des données qui sont absolument fabuleuses. Je veux dire, il faut aller voir ça, là. On parle là, d'une économie là, qui a baissé de 4,3% au niveau mondial. Les États-Unis, c'est une contraction de 4%. Dans la zone de l'euro, 4,1%. Et puis le Japon est en baisse de 6,6%. Ça fait mal. Vous avez des protestants qui ont été assez violents. Et puis là, des protestants, faire attention encore. Vous vous rappelez à Montebello, quand la Sûreté du Québec a été obligée d'annoncer que, a été obligée d'admettre publiquement qu'on avait carrément infiltré les mouvements des protestants. Et puis, on les avait infiltrés avec des policiers, OK, donc qui étaient déguisés en anarchistes et puis qui se préparaient à faire de la casse. On les a pris la main dans le sac. Et puis, là, ça est en train de se repasser encore à Londres. On fait souvent la même affaire, c'est que pour délégitimiser les causes des mouvements qui protestent contre les gouvernements et puis les milieux financiers qui ont causé la crise financière, on va infiltrer le mouvement avec des faux anarchistes, bien souvent qui sont des policiers ou des gens qu'on paye comme ça. Et puis là, vous avez un autre exemple absolument incroyable qui s'est passé à Londres, alors que vous avez sûrement vu dans les médias des gens qui ont fait de la casse à une grande banque là-bas. Donc, on est arrivé avec des morceaux de métal et puis on a défoncé des vitres de la banque. Je ne sais pas si vous avez bien observé les images qui ont été livrées dans les médias. C'est assez hallucinant. Le fameux groupe anarchiste qui s'est fait prendre à péter les vitres de la Banque Royale là-bas avait annoncé d'avance, OK, sur leur site Internet qui était pour casser des vitres de ce bâtiment-là. Alors, quand vous voyez les images qu'on vous a montrées à la télévision, les images vidéo, tous les médias étaient déjà préparés d'avance, OK? Donc, vous avez des dizaines et des dizaines de caméras et puis de caméras vidéo et de caméras pour les photos qui étaient déjà préparées d'avance. On attendait ces gens-là, ces anarchistes-là, et puis là, se sont mis à la casse. Vous aviez la police de l'autre bord de la rue qui n'a même pas intervenu. Laissez faire ces gens-là. Alors, posez-vous des questions à savoir qui c'était ces gens-là qu'on appelle du Black Bloc, qui sont venus casser des vitres de banque, okay, de façon préméditée, annoncée d'avance, et puis la police n'a rien fait pour les arrêter, alors que les médias étaient déjà alertés d'avance et puis étaient déjà sur place pour filmer toute cette casse-là, pour délégitimiser, évidemment, les protestants qui ont une cause légitime de protester contre justement ce qui se passe en ce moment dans la crise économique et puis de ces fameux clowns, de ces fanfarons-là, ces terroristes en cravate-là qui se sont réunis au G20. Donc, voilà un peu comment que ces choses-là fonctionnent. C'est important d'avoir ça en tête. Vous avez des affaires assez louches qui se sont passées juste avant le sommet du G20. On a décidé de fermer, de désactiver les caméras, okay, de surveillance qui sont un peu partout dans les rues de Londres. Donc, c'est comme si on avait, au moment le plus crucial, désactivé ce système-là. Donc, on se prépare justement à faire des mauvais coups. Et puis après ça, on peut dire que ah, les caméras ne fonctionnaient pas. La même affaire comme quoi qui est arrivé dans les attaques à Londres. Ça, les attaques à Londres, quand je parle, c'est en 2005. Hein? Donc, vous vous rappelez les fameuses attaques qu'il y avait eu dans le métro et puis dans l'autobus à Londres en 2005. Les seules caméras qui n'avaient pas fonctionné dans tout Londres étaient les caméras qui étaient dans ces stations-là, comme par hasard. Obama qui a nommé le sommet du G20 comme étant un succès. Et puis, on a décidé de ramasser 1 100 milliards de plus pour venir au secours de l'économie mondiale. Et puis Obama, apparemment, va donner un autre montant faramineux d'argent qui risque de monter à 750 milliards de dollars. Ici, vous avez Harper qui a promis un 10 milliards de dollars de plus. Alors ça, c'est 10 milliards que vous, chers amis, allez devoir rembourser. Ça va être coupé dans les programmes sociaux. Et c'est un autre vol en plein jour, quoi. Je veux dire, c'est une cause perdue déjà. Vous savez que cette crise-là a été causée par ces banquiers, par ces financiers-là. Et puis, on prend de notre argent, des payeurs de taxes, en fait, on prend notre argent, on le crée de nulle part, de la part des banquiers, pour qu'ils se le redonnent à soi-même. Donc, c'est vous qui allez être prise avec la facture pour rembourser ça. Et voilà, quoi, nous autres, là, on a de la misère à trouver un 10 milliards de dollars pour venir en aide aux pauvres, pour partir des nouvelles écoles, pour construire des autoroutes ou juste les entretenir. Mais on trouve des 10 milliards comme ça très rapidement pour sauver ces mêmes rats-là, ces mêmes terroristes en cravate. C'est typique du système. Et puis là, vous voyez qu'au sommet de l'OTAN, c'est la même affaire. On a eu des protestations assez sévères qui se sont passées à Strasbourg. On n'est pas content là-bas, on n'est pas content du tout parce que, vous savez, Sarkozy a décidé de ramener la France dans l'OTAN, alors qu'au plus de 70% des Français sont absolument contre cette affaire-là. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve à être obligé de mener des guerres impériales, des guerres coloniales, comme en Afghanistan, on occupe des pays de façon militaire pendant des années. Et vous savez que c'est des guerres qui sont perdues. Même les Russes, avec 500 000 soldats sur le terrain, n'avaient même pas réussi à contrôler l'Afghanistan. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire avec 70 000 soldats? C'est la question qu'on se pose. Mais quoi qu'il en soit, vous avez Obama qui a réussi à menacer le reste de la communauté internationale en leur disant que si on n'allouait pas plus de troupes en Afghanistan, donc Obama qui a réussi arracher un autre 5 000 troupes des pays internationaux. Donc, on va continuer d'intensifier la guerre là-bas en Afghanistan, une autre absurdité totale. Vous savez bien que c'est des guerres qui sont menées. Pourquoi? Pour contrôler le corridor des pipelines, des produits pétroliers et puis évidemment le trafic des narcotiques qui est absolument lucratif, qu'on transige à travers le Kosovo vers l'Europe et puis le reste des États-Unis et puis d'autres pays comme l'Angleterre. Qu'est-ce qui arrive? C'est que, chers amis, on assiste à un coup d'État silencieux. Un coup d'État comment? Parce que, évidemment, que là, avec ce 1 100 milliards de dollars-là qu'on va donner au Fonds monétaire international, on va faire quoi? Ben, on va faire comme ici, on fait quand on a donné de l'argent aux banques et puis Obama, la même affaire aux États-Unis, c'est qu'on donne l'argent des payeurs de taxes aux banquiers pour qu'ils puissent nous la repasser avec intérêt. Donc, imaginez-vous donc, c'est votre argent qu'on donne aux banquiers pour qu'eux autres puissent vous la prêter avec intérêt, ce qui est complètement débile. Donc, vous allez devoir rembourser cet argent-là aux banquiers avec les intérêts, plus l'argent que le gouvernement a emprunté aux mêmes banquiers. Donc, vous faites avoir deux fois. Hein, on rit de vous autres en pleine face, puis les gens réagissent pas. Donc, tant pis pour vous autres. Dans le fond, peut-être bien qu'on mérite. Hein? C'est à peu près ça qui arrive aussi au niveau international, c'est que le 10 milliards de dollars que Harper vient de donner au FMI, la même affaire pour Obama et les autres pays du monde, on va donner ça au FMI, qui est la grande banque des banquiers privés, si vous voulez, des grandes multinationales. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner ces prêts-là à des pays en détresse, évidemment avec intérêt, puis on va s'immiscer encore plus dans leur affaire étatique pour couper dans les programmes sociaux, pour faire en sorte que tout l'argent soit retourné aux banquiers privés. Donc, on va encore là mettre à genoux, mettre en banqueroute tous les pays auxquels on va prêter ces fameux prêts-là du FMI. Et puis, si vous pensez que ces prêts-là vont aider, écoutez, c'est parce que vous ne connaissez pas l'histoire. Le FMI a prêté de l'argent au-dessus d'une centaine de pays dans le monde et puis on a instauré ces mesures financières-là, ces restructurations financières qu'on a imposées à ces pays-là, au-dessus d'une centaine de pays. Et puis il n'y a pas aucun cas, okay? Quand je dis aucun, c'est zéro, là, comme dans Niette, aucun pays qui a goûté à la médecine du FMI, qui s'est retrouvé dans une meilleure position qu'avant que le FMI soit mêlé de leur affaire. Okay? Aucun pays n'en s'est ressorti en meilleure position. Ils se sont tous retrouvés dans une pire situation que là, qu'avant que le FMI se mette le nez dans leur affaire. Okay? Donc, c'est à peu près ça qui est à retenir. Aux États-Unis, au mois de mars, on a perdu 663 000 jobs. Donc, ça, c'est en train de fesser dans la réalité aussi des gens. Au mois de janvier, on avait perdu 655 000 personnes sur le marché du travail. Là, on approche à peu près les 5 millions de personnes qui ont perdu leur job depuis le début de la récession, qui est bien rendu une dépression. Et là, on va instaurer aux États-Unis une mesure absolument hallucinante qu'on a appelée de Public-Private Partnership Investment Program, donc de PPPIP. Ça a été introduit par le secrétaire du Trésor, Timothy Geithner. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre aux compagnies financières et puis aux banquiers qui avaient trop joué dans le marché des produits dérivés, qui ont vu leur valeur chuter parce qu'on s'est retrouvé avec du papier bancaire qui valait absolument zéro. Et ce qu'on va permettre à ces compagnies-là, c'est de remonter le prix. Donc, on va prétendre que ces fameux papiers bancaires-là valent de quoi. Donc, on va supposer, on va mettre une valeur haussée à ces fameux papiers inutiles et sans valeur-là pour qu'on puisse les racheter. Donc, on va demander à d'autres personnes du marché, comme à vous et puis des grandes compagnies, de racheter ces produits-là à une valeur enflée, donc une valeur surréelle. Et si ces gens-là qui vont acheter ces papiers-là vont se trouver à perdre de l'argent, le gouvernement américain s'engage à rembourser 85% des pertes avec l'argent des payeurs de taxes. Donc, vous vous retrouvez avec les compagnies finalement qui ont joué au grand casino mondial, les compagnies financières comme AIG, Merrill Lynch, JP Morgan, toute cette gang-là, qui vont se retrouver à avoir joué au grand casino et puis avoir engrangé des profits pendant des années, avoir caché cet argent-là dans les paradis fiscaux, et puis après ça, avoir déclaré toutes les pertes et puis être remboursé par l'argent des payeurs de taxes. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur permettre de s'en sortir haut la main. Et les gens qui vont racheter de ces papiers-là, bancaires-là, vont absolument rien risquer. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on a juste même à déclarer qu'ils ne valent pas rien. Le gouvernement va leur donner 85% de la valeur du faux prix qui va être gonflé artificiellement. Et puis, qui va perdre là-dedans? C'est les payeurs de taxes. Les joueurs de Wall Street et puis les banquiers et puis les financiers vont se retrouver à être les grands gagnants. Et les payeurs de taxes, les grands perdants pendant des décennies. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Vous savez, la Fed aux États-Unis, c'est celle qui a causé la bulle du marché d'hypothécaire. Donc, depuis 1995, avec Alan Greenspan, on a enflé cette bulle-là. Après ça, ça a été le problème de la bulle des produits dérivés. Et tout ça est basé sur quoi? Sur un autre problème qui est central, qui est la création de l'argent à partir de rien, évidemment, le système fractionnaire bancaire. Okay? Donc, aux mains des banquiers privés. Quand vous allez chercher un prêt bancaire ou une hypothèque, on écrit dans le système 100 000 $ 100 000 $ qui n'existent absolument pas. C'est vous qui en amenez des biens collatéraux physiques qui vous permettez aux banquiers d'inscrire une certaine valeur dans le système. À partir de ce 100 000 $-là, on se retourne de bord, on s'en va sur les marchés financiers de Wall Street, des produits dérivés. Et puis là, on multiplie ce 10 000-là par 10, par 100, par ce que vous voulez. Et puis, on enfle ce montant-là à des montants comme de 10 millions, 1 milliard. Et c'est là que le problème surgit. Donc, évidemment, c'est tout ce système d'argent qui est basé sur rien de valeur, OK? Vous avez d'autres articles là, assez intéressants à consulter. Vous avez Stiglitz, qui est un des économistes et puis un des prix Nobel, qui a travaillé aussi pour la Banque mondiale, qui a été le président de la Banque mondiale, qui déclare que le 500 milliards de proposés par Obama pour aider les banques ne servait absolument à rien, donc ne va absolument rien donner. C'est évidemment les banques qui vont gagner, les investisseurs qui vont gagner, puis encore les payeurs de taxes qui vont perdre. Donc, c'est encore des nouvelles qui vont dans le même sens. Ensuite, vous avez Geithner, la secrétaire du Trésor aux États-Unis, qui a déclaré dans une conférence que l'administration Obama planifiait de ramener un système plus stable. Donc, on va essayer de moderniser la structure régulatoire du gouvernement et essayer de remettre des garde-fous au système économique. Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'on avait un système complètement stable qui fonctionnait très bien jusqu'en 1999, alors que le Congrès, sous pression du système bancaire, donc des grands financiers et des banquiers privés, on a enlevé le fameux Steagall-Glass Act qui faisait en sorte que les compagnies financières ne pouvaient pas fusionner avec les banques, donc avoir des conflits d'intérêts très graves, évidemment. Et puis après ça, on revient nous dire que là, il faudrait réinstaller ces mesures-là. Alors que ce fameux Geithner-là était l'un des principaux joueurs qui avait fait en sorte qu'on avait dérégulé le système financier et bancaire. Donc voilà un peu comment qu'on rit de vous autres. Dans un autre article ici, on parle que la Fed est carrément insolvable. Évidemment aux États-Unis, on n'a plus personne pour acheter les bons du Trésor pour financer la dette des États-Unis. Personne ne veut l'acheter parce qu'évidemment, les taux d'intérêt sont tellement bas qu'on se demande pourquoi qu'on devrait acheter la dette des États-Unis. Donc, on se retrouve avec la Fed qui est en train de monétariser la dette. Donc, on crée des bons du Trésor et puis on le rachète carrément avec la Fed, qui, ne l'oublions pas, est une banque centrale privée contrôlée par des banquiers privés. Donc, évidemment que c'est une autre institution qui est en banqueroute totale. Ici, vous avez un autre article qui rapporte que les experts disent à CNBC que les États-Unis sont maintenant aussi en banqueroute, okay, avec l'imprimerie de l'argent et puis le gonflement de la dette. En fait, on a doublé la dette nationale des États-Unis en 2 ans. Imaginez-vous donc, on est passé de 10 trilliards à 20 trilliards. Donc, on parle de 10 000 milliards à 20 000 milliards. Le système financier est insolvable, est en banqueroute totale. Un autre article qui parle de ça. Vous avez la Fed aux États-Unis qui a publié un article qui dit que les Américains ont perdu 20% de leur valeur de leur maison et puis de leur portefeuille, de leur portfolio. Donc, ça, c'est évidemment, ça fait très mal. Vous avez en Géorgie, l'État pas loin de la Floride, où on a mis 25 000 travailleurs de l'État en congé férié, non payé. Donc, on n'a même plus d'argent pour payer ces gens-là. Alors, on a déclaré des congés comme ça, où c'est qu'on met les gens de l'État, les fonctionnaires, dans un petit congé férié pendant une couple de jours parce qu'on n'a pas assez d'argent pour les payer. Dans un autre article, on apprend qu'une corporation gouvernementale mal connue aux États-Unis, mais qui gère quand même les fonds de pension de 44 millions de travailleurs, qui s'appelle le Pension Benefit Guarantee Corp, a déjà un déficit de 11 milliards de dollars. Alors, chers amis, quand que je vous disais que les fonds de pension vont disparaître, eh bien, en voilà déjà un exemple concret. Un autre article, on parle que les prix des maisons ont descendu de 15% depuis un an aux États-Unis. On a un tsunami qui est annoncé dans un autre article par l'économiste Sam Chandan. On dit que le système, évidemment, est en train de s'écrouler aux États-Unis. Il y a aussi sur la côte ouest en Californie des villes qui commencent à apparaître, mais attention, des villes de tente, alors comme des shanty towns qui sont en train de pousser un peu partout sous les ponts, dans les champs désertés. Et vous avez des sans-abri qui habitent dans leur tente, donc ça devient comme un gros camping géant, mais c'est des gens qui ont perdu leur maison. Alors, les images commencent à devenir de plus en plus laides. Des millions de personnes en France qui sont sorties dans les rues pour protester contre Sarkozy. Donc, vous voyez que en Europe, les gens sont plus éveillés, hein? Donc, on est en train de commencer cette fameuse révolution. Ici, au Canada, aux États-Unis, on dort au gaz. Bon, le cas de AIG, qui est évidemment très important à décortiquer. Puis là, vous avez au-dessus d'une quinzaine d'articles qui vont être à trouver là, sur le site des Nouvelles internationales. AIG qui s'est retrouvé à avoir des milliards de dollars de sauvetage du gouvernement et on a quand même rapporté pas loin de 100 milliards de déficit. Ça, c'est assez alarmant. Et puis, on n'a quand même pas hésité à prendre l'argent des payeurs de taxes. Donc, on parle de 100 millions de dollars qui a été donné en bonus à ces grands boss-là de AIG, qui a été pris sur le 180 milliards de plans de sauvetage qui a été alloué. Dans un autre article, on parle de 450 millions de dollars qui a été donné en bonus aux grands boss de AIG. Et puis là, faites attention, on parle de gros montants. On s'imagine que 450 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent, et puis ça en est évidemment énormément d'argent. Mais on fait un gros bateau avec AIG, vous allez voir pourquoi. Après, je vais continuer dans les nouvelles. Mais n'oubliez pas que des gros comme Goldman Sachs, okay, ont volé environ, puis je dis volé, 11 milliards de dollars pour payer des bonus à leur grand boss. Okay? Donc, si les gens sont outragés pour 450 millions de dollars pour des bonus au grand boss de AIG, imaginez le 10 à 11 milliards de dollars américains qui a été donné au grand boss de Goldman Sachs. Okay? Donc là, vous voyez que c'est carrément un grand vol en plein jour auquel on assiste. Comment ça se fait qu'Obama est si complaisant envers AGI? Bien, vous savez qu'Obama a reçu 101 332 $ de bonus hein, pour ses contributions à sa campagne électorale de la part de AIG. Okay? Donc ça, c'est des choses très importantes à savoir. Vous avez un article d'ailleurs très important qui s'appelle Obama Connections with International Banking Elite. Et puis, sous le nom de cet article-là, vous allez retrouver tous les liens qu'Obama a avec l'élite bancaire internationale. Vous allez voir que ce n'est absolument pas un hasard si les plans de sauvetage favorisent tant les grands banquiers. Vous savez que ces gens-là, hein, se donnent des bonus et puis se donnent de l'argent. Vous avez aussi différents officiels du gouvernement Obama, comme M. Dodd, qui a été obligé d'admettre sur CNN qu'il avait reçu des gros bonus aussi de l'argent de AIG. Vous avez Gaertner, qui est le secrétaire au Trésor, qui a reçu 434 000 $ de la banque de la Federal Reserve Bank de New York avant de quitter son poste. Okay? Donc, vous avez ces gens-là qui reçoivent de l'argent. L'ancien secrétaire au Trésor, Henry Paulson, avait aussi évidemment beaucoup d'argent investi dans le système bancaire, dans ces mêmes compagnies-là. Et il y a aussi des bras droits de Geithner qui ont aussi reçu des bonus de AIG, donc des gros bonus très gras. Vous voyez bien là que c'est évidemment ces plans de sauvetage-là qui sont donnés à différentes compagnies ont plusieurs liens avec les gens aussi avec lesquels qui les attribuent, soit parce qu'on a déjà travaillé pour ces mêmes compagnies-là ou parce qu'on a reçu des contributions financières d'une façon ou d'une autre, que c'est évidemment tout un scandale qui est en train de se dérouler devant nos yeux. Et puis, c'est ça qu'il faut avoir à l'œil. Et non seulement ça, mais des milliards de dollars se sont retrouvés dans des banques européennes, même des banques d'Israël. Donc, on parle d'environ 50 milliards de dollars de l'argent de plan de sauvetage qui était donné à AIG, qui s'est retrouvé dans différentes banques en Angleterre et des banques aussi en France, qu'on a touché des milliards de dollars. Donc, l'argent des payeurs de taxes s'en va renflouer des banques à l'étranger. Donc, allez voir ça. Merrill Lynch qui a reçu évidemment des gros bonus. Citigroup, la même affaire. Aussi des scandales d'Obama qui n'arrêtent pas d'éclater de ces officiels qui n'ont pas payé leurs impôts. Et puis là, après ça, on vous fait sentir mal que vous ne payez pas d'impôts. L'euro en Europe qui est menacé d'extinction. Vous avez différents articles, allez voir ça. On parle de l'effondrement possible de l'euro aussi. La zone européenne ne va absolument pas bien. Vous avez les banques qui sont dans un plus grand problème que celles qui sont américaines. Alors, on parle d'un effondrement possible du système bancaire en Europe. 124 édifices en construction aux États-Unis qu'on va être obligé de mettre sur la glace parce qu'on n'a plus assez d'argent. Les marchés, on parle de 220 000 magasins qui risquent de fermer aux États-Unis juste cette année. Voilà quoi, ça n'arrête pas. Vous avez les cartes de crédit aussi qui est une autre bulle qui risque d'éclater. GM aussi qui risque de faire faillite, même si on les a sauvés. Vous avez donné de l'argent à ces compagnies-là pour les sauver, puis ils vont faire faillite pareil, puis vous allez quand même devoir rembourser cet argent-là. Et puis là, vous avez la Russie, puis la Chine qui appellent une nouvelle monnaie. Donc, on veut instaurer une nouvelle monnaie internationale, un nouveau standard, et peut-être même réinstituer le standard à l'or. Est en train carrément d'abandonner le dollar américain. Puis vous avez Geithner aussi qui a déclaré qu'il serait prêt à laisser tomber le dollar américain comme réserve mondiale et puis comme référence mondiale. Donc, des très grosses nouvelles. Donc, on part en pause musicale et puis on se retrouve après avec les nouvelles du monde. Vous êtes de retour à l'autre monde. François Marginot au micro sur les ondes de Choc FM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Alors, on va commencer le dossier des nouvelles internationales, mais on va se tourner premièrement au Québec, vers le Québec. Écoutez, vous avez une nouvelle assez importante qui a été publiée cette semaine. Une demande de recours collectif sera déposée lundi. Le cartel de l'essence était réel. Il y a un complot qui serait plus vaste qu'on le croyait, nous annonce TVA. Alors, le cartel de l'essence découvert l'été dernier au Québec pourrait être beaucoup plus vaste que ce que l'on pensait, rapporte TVA. Un avocat s'apprêterait à élargir le recours collectif présentement devant les tribunaux. La poursuite pourrait maintenant viser pas moins de 42 pétrolières, distributeurs et détaillants. Alors, on s'est aperçu qu'on avait carrément des gens qui communiquaient l'un et l'autre par conversation téléphonique qu'on a enregistrée par le bureau, et puis vous savez, chers amis, que ce cartel-là, évidemment, tout le monde est bien conscient que ça existe, mais là, qu'on les a pincés la main dans le sac, c'est excellent, et on a ces gens-là qu'on a pris carrément là, à conspirer à grandeur de la province, et puis à fixer des prix à des prix plus élevés qu'on aurait été censé payer, puis vous savez bien que ça fait des années hein, que ça se produit, c'est pas depuis le début du cartel pétrolier. Donc, chers amis, voilà une nouvelle très intéressante. Évidemment qu'il est temps qu'on se mette en colère et puis qu'on ramène ces choses-là sous notre contrôle. Une autre nouvelle assez incroyable, vous savez, M. Sabia, le nouveau chef de la Caisse dépôt de placement du Québec, a été allé se serrer la pince avec M. Desmarais. Hein? On a appris ça aussi dans les nouvelles cette semaine, assez incroyable. Et voyez la coterie québécoise hein, qui se rencontre et puis on voit vraiment la main du gouvernement parallèle, le vrai gouvernement, le gouvernement Power Corporation de Desmarais. Alors, ces gens-là se rencontrent à l'occasion, évidemment, des causes humanistes. Hein, donc, on va aider l'Institut de cardiologie de Montréal, hein, mais en même temps, on se rencontre et puis on s'aperçoit que, justement, ces meetings-là devraient avoir lieu dans les bureaux de la Caisse des dépôts du Québec et non dans des locaux privés de Power Corporation. Alors, on s'aperçoit justement de façon assez clairement qui et le centre du pouvoir, hein, qui est le gouvernement parallèle. Donc, voyez, ces gens-là qui vont se serrer la pince, hein, cette petite coterie, ces gens qui vivent en collusion chaude. Donc, une nouvelle assez importante à aller voir. Il y a aussi des articles à consulter. Vous avez le Council on Foreign Relations, le CFR aux États-Unis, qui est le centre duquel sont été extraits tous les présidents depuis Kennedy. Donc, vous avez tous ces gens-là qui ont été soit membres du CFR, venant en commission trilatérale. Et on a demandé à Obama d'instaurer ce nouveau système de gouvernance globale. Donc, ça, c'est encore sorti de ces mêmes sources. Donc, ces think tanks-là, ces boîtes à idées-là. Donc, vous voyez que c'est la source de toutes ces idées fabuleuses-là de globalisation qui a entraîné la banqueroute du système financier mondial. Mais on en a besoin de plus, selon eux. Il faudrait aller selon les mêmes études de David Rockefeller. Puis ça, c'est cité même dans l'article. Donc, de Council on Foreign Relations. Au G20, on a demandé d'avoir plus de gouvernance mondiale. Donc, c'est rapporté par CNN, le nouveau ordre mondial qui est encore utéré comme ça d'un bord et de l'autre. On n'arrête pas d'en parler dans tous les grands médias. Et puis, vous allez sur Wikipédia, on classifie encore cette histoire de nouvel ordre mondial-là comme étant une conspiration, donc une théorie de conspiration. C'est assez incroyable comment que on a traité ou voulu rire de tous ces gens-là depuis des années qui parlaient de ça, alors que c'est dans leurs documents même, c'est ces gens-là qui se nomment même comme étant du nouvel ordre mondial. Donc, on rit des gens qui les exposent jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça devient tellement évident que là, c'est plus cachable. Il y a eu aussi la fameuse heure de la Terre, hein? Donc on a demandé à tous les gens de la planète d'éteindre les lumières pendant 1 heure. Alors apparemment que ça a été un succès. Et je dis apparemment parce que si vous regardez différentes études des demandes énergétiques en Californie, comme par exemple, vous allez voir qu'il n'y a eu presque pas de changement. Donc, on dit que c'est une grosse victoire, que les gens ont vraiment participé cette année, alors que c'est peut-être questionnable, voir dans quelle mesure ça a réellement fonctionné. Et puis, l'idée, c'est à savoir si ça change quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'on essaie de vous faire à croire que vous êtes responsable des changements climatiques, alors que vous allez voir très bientôt dans les prochaines émissions qu'on va parler de ça. Les nouvelles n'arrêtent pas de cascader autant des photos satellites, des données satellites. Vous avez des météorologistes, différentes données des océans. La preuve s'accumule comme quoi qu'il n'y a pas de réchauffement climatique en ce moment. En fait, qu'il n'y en a pas eu depuis plusieurs années maintenant. Et que ces changements climatiques-là sont naturels. Donc, on a très peu d'effets sur les changements climatiques qui s'opèrent en tandem sur toutes les autres planètes du système solaire. Donc, grosse futilité encore. Si ça peut amener une seule chose, c'est peut-être de rendre les gens plus conscients de l'électricité qu'ils consomment. Alors, si c'est ça, tant mieux. Mais à part de ça, je veux dire, ce n'est qu'une autre tactique pour vous faire sentir coupable de quelque chose qui est carrément naturel. Alors que depuis des dizaines d'années, on est capable carrément de produire l'énergie à partir du vide, OK? Donc on appelle ça l'énergie de l'énergie du vide, mais c'est pas l'énergie du vide en fait, c'est l'environnement ambiant n'est qu'énergie, donc c'est un peu ce que Einstein disait, E égale MC2, tout est énergie, il s'agit d'être capable d'aller l'utiliser finalement. Donc, vous savez que dans l'espace qui est contenu dans une tasse, donc le volume d'air contenu dans une tasse était suffisant pour illuminer New York, fournir le New York en électricité pendant 1 mois. Donc, il y a tellement d'énergie dans le champ quantique que, je veux dire, on aurait assez pour éliminer tous les besoins qu'on a envers l'essence et puis le charbon et puis l'uranium, donc les centrales nucléaires. On n'aurait même plus besoin de ça. Vous savez que GM a détruit sa propre voiture électrique et puis après ça, on vous fait pleurer que vous êtes les grands responsables, hein, en faisant rouler vos voitures puis brûlant de l'essence alors qu'on a eu des solutions depuis des dizaines d'années. On vous les refuse. On ne veut pas que vous les connaissiez parce qu'évidemment que ça viendrait détruire le contrôle, le cartel que ces grandes compagnies-là ont sur vous. Donc, on vous fait sentir coupable pour de quoi qu'on a déjà la solution. Et puis, tout ce qu'on fait, c'est qu'on refuse de vous amener la solution. Et puis là, on va vous taxer et puis vous dire qu'il faut éteindre les lumières pendant 1 heure et puis vous faire sentir coupable de toute cette grosse merde-là. Donc, voilà beaucoup de manipulation. Il y a le Washington Post qui a publié un article le 25 mars dernier qui rapporte que l'administration d'Obama va continuer la guerre contre le terrorisme, donc la guerre favorite de M. Bush. Donc, vous voyez encore plus de continuité entre les deux administrations. Bye-bye le gros changement, bye-bye change we can believe in. Et puis, on va aller plus loin que ça. On va renommer cette guerre contre le terrorisme-là qui est plus populaire du tout. Alors maintenant, vous savez, on ne parlera plus de guerre contre le terrorisme. On va parler de, en anglais, ils vont appeler ça Overseas Contingency Operation. Alors, c'est pas compliqué. Donc, les gens commencent à être fatigués avec l'appellation de guerre contre le terrorisme global. Alors, c'est pas plus compliqué. Obama, avec sa nouvelle face, lui, il va changer le nom de ça, puis tout va passer comme dans du beurre. Maintenant, on va appeler ça en anglais Overseas Contingency Operation. Donc, grosso modo, les opérations de contingence étrangère. Et puis, on espère que vous allez oublier à propos de toutes les prisons secrètes où se retrouvent environ 30 000 prisonniers qui ont carrément disparu de la face de la planète. On va essayer de vous faire oublier la torture, okay, qui était rapportée même par le Comité international de la Croix-Rouge. Et on va essayer de redorer le blason de toute cette guerre impériale et colonialiste de l'axe anglo-saxon. Et vous savez, vous avez Seymour Hersh, un des grands journalistes très importants aux États-Unis, qui a mis à jour une organisation, un cercle d'assassinations exécutifs. Donc ça a été mis en place directement sous l'ancien vice-président Dick Cheney. Donc ce groupe-là rapportait directement à Dick Cheney et au président, l'ancien président Bush. Alors, on allait dans d'autres pays, on leur donnait une mission d'assassiner. On n'avertissait pas du tout l'ambassadeur qui était en place ou même les gens de la CIA qui étaient stationnés dans ces pays-là. On leur donnait la mission de trouver des personnes, ceux qui étaient sur une liste, et puis de les exécuter. Et on quittait le pays. Donc, ça a été rapporté par un des plus grands journalistes des États-Unis, Seymour Hersh. Donc, vous voyez un peu cette tactique-là qui va continuer. Alors, dans un autre verre, on est en train de se demander aux États-Unis, sous le président Obama, si on ne devrait pas avoir l'autorité de couper le trafic Internet, donc en cas d'urgence, on voudrait donner le pouvoir au président d'avoir la main sur un bouton on-off carrément de l'Internet et de le mettre à off à n'importe quel moment jugé opportun par le gouvernement Obama. Donc encore plus de pouvoirs dictatoriaux. Ah oui, mes chers amis, yes, we can. Vous avez des Texans, donc des gens au Texas qui ont arrêté une nouvelle politique des autorités américaines. On veut utiliser l'herbicide de l'agent orange. Oui, celui-là qu'on utilisait au Vietnam, l'agent orange. On voudrait utiliser ce fameux herbicide-là sur 1,1 million d'acres de territoire à la frontière mexicano-américaine parce qu'on voudrait carrément défricher la zone pour essayer d'arrêter l'immigration illégale et puis, si vous voulez, le trafic de narcotiques. Okay? Donc, utiliser de l'agent orange, ben oui, chers amis, c'est le prix des gens de la région du Texan pour essayer d'arrêter ces affaires-là. Et puis, vous savez que dans l'agent orange, on a de la dioxine. La dioxine qui a une demi-vie très longue, quoi, puis qui est responsable des déformités qu'on a vues dans le peuple vietnamien depuis la fin de la guerre du Vietnam. Et c'est évidemment la dioxine qui est classée dans les 10 produits chimiques les pires, okay, de la planète qu'on ait connus. Et puis là, on veut utiliser ça sur la frontière mexicano-américaine. Quand je vous avertis ici que Facebook était relié avec les autorités et puis même la NSA puis la CIA, ben c'est pas des farces. Vous avez maintenant The Canadian Press qui a rapporté cette semaine qu'une adolescente de Vancouver a été arrêtée. Ok, donc on a arrêté cette jeune-là parce qu'elle avait publié des choses sur Facebook qui paraissaient être passées comme étant du terrorisme. Donc on a cru que cette jeune adolescente-là était alliée avec un groupe de terroristes. Alors, voyez comment que maintenant vos données sur Facebook peuvent vous mener en trouble et même en prison. Hein? Donc, ça n'est pas des farces, ça commence à se passer pour de vrai. Vous avez le New York Times qui a publié une nouvelle assez incroyable aussi, où c'est qu'on rapporte que On va bannir les caresses. Donc, si vous voulez donner une caresse ou les enfants, même l'un à l'autre, on va bannir ça. On va vous jeter en dehors de l'école, même si vous donnez des high five. Donc, ça va être maintenant déclaré comme étant prohibé à cette école-là. Donc, hein, chers amis, vous avez des présidents qui promuent des occupations militaires comme en Afghanistan puis en Irak, ont tué 1 million de personnes en Irak. Mais ben ouais, on ne peut pas se donner des caresses, ça c'est dangereux par contre. Ça me rappelle un peu les nouvelles que je parlais de la semaine passée où en Angleterre, on avait identifié 200 enfants comme des potentiels terroristes. Donc, on est en train de parler là, de Minority Report, hein, comme le film là, de Tom Cruise. Okay? Donc, vous vous rappelez, bon, on essaie de profiler les enfants qui pourraient être des potentiels terroristes. Le gouvernement qui n'est même pas capable de prendre soin de l'économie, okay? Vous avez des gens qui volent des milliards de dollars, des compagnies de défense qui font des millions, des milliards de dollars à tuer des personnes à l'étranger. Mais par contre, on va s'identifier des enfants à l'école qui pourraient être des potentiels terroristes. Donc, oui, chers amis, c'est là où ce qu'on en est rendu. C'est absolument incroyable. Le Chicago Sun Times aussi qui vont se mettre sur le chapitre des banqueroutes aux États-Unis. Un Américain sur 10 qui a besoin d'aide maintenant pour sa nourriture. Et on apprend dans l'article qu'on a 32,2 millions de personnes qui ont besoin d'aide pour avoir la nourriture à tous les jours. Et que cela est une réflexion de la récession qui était maintenant en cours depuis 16 mois. Alors, ça, c'est très intéressant comment qu'on voit les médias qui n'arrivent même pas à regarder leurs mensonges et puis tenir à la comptabilité de leurs mensonges. Alors qu'on vous disait depuis octobre qu'il n'y avait pas de récession, hein, c'est juste depuis octobre en fait qu'on vous disait que oh, on entrait dans une récession, qu'il n'y avait pas de récession avant ce temps-là. Imaginez, maintenant maintenant on vous dit que la récession a lieu depuis 16 mois. Donc, on vous ment dans les médias, c'est pas plus compliqué. Puis là, on perd même compte de ces mensonges-là, on vient se contredire d'un article à l'autre. Et puis on apprend dans un autre article que la BBC, à travers un échange d'emails, confirmait que l'Al-Qaïda était blâmé à toutes les fois que quelque chose de mauvais arrivait, puis qu'on n'avait pas réellement de victimes à blâmer, qu'on n'avait pas vraiment de responsables à blâmer. Alors on a carrément pincé la BBC à avouer à travers un échange de courriels que l'Al-Qaïda est nommé à toutes les fois qu'on en a besoin, qu'il n'y a pas réellement d'Al-Qaïda, tout simplement. Donc ça, c'est une autre nouvelle absolument cruciale. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. C'est un plaisir de vous avoir. N'oubliez pas de m'envoyer des feedbacks à Baraka Gaia, A commercial, yahoo.ca. Baraka Gaia, comme ça s'appelle, A commercial, yahoo.ca. Donc, vous allez voir l'adresse aussi est disponible. Vous allez avoir un lien là, sur la page de L'Autre Monde. Donc, vous pouvez cliquer là et puis m'envoyer des messages, me donner de vos commentaires. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, c'était François Marginal pour L'Autre Monde. Portez-vous bien!